franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, nous partons en Autriche, à Vienne, dans les années 1930, à la rencontre d'une femme, Anna, et de son père, Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse. Le 12 mars 1938, au petit matin, les troupes allemandes envahissent l'Autriche sans subir la moindre résistance. Deux jours plus tard, Hitler n'en revient pas de la ferveur des Autrichiens. « J'ai été submergé par un flot d'amour tel que je n'en avais jamais connu », écrira-t-il. Vienne, cette capitale de la culture, des arts et de l'esprit, que Hitler déteste, dont depuis sa jeunesse il s'est toujours senti rejeté. Voilà que maintenant il en est le maître. Mais en annexant l'Autriche et en déclenchant les persécutions contre les Juifs, Hitler a-t-il pensé à Freud ? Cela ne fait pas de doute pour l'écrivain allemand anti-nazi Thomas Mann, qui dira d'Hitler « Un homme comme celui-là doit haïr la psychanalyse. Je soupçonne en secret que la fureur avec laquelle il marcha contre certaines capitales s'adressait au fond au vieil analyste installé là-bas, son ennemi véritable et essentiel. » Terré dans leur appartement du 19 Berggasse, Sigmund Freud et sa famille réussiront-ils à échapper à la barbarie nazie ? Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Elisabeth Roudinesco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de la psychanalyse. Vous avez publié notamment une biographie de Freud qui fait référence aujourd'hui. Alors, dans quelques minutes, je vais raconter comment, de 1933 à 1938, Anna Freud, la plus jeune fille de Freud, va prendre conscience de la menace que représente Hitler pour l'Autriche, pour les Juifs et aussi pour la psychanalyse et donc pour sa famille. Et comment elle va devoir batailler pour convaincre son père de fuir l'Autriche. Mais avant cela, j'aimerais, Elisabeth Roudinesco, que vous nous rappeliez qui est Sigmund Freud dans les années 30. La psychanalyse a été beaucoup décriée, mais est-ce qu'à ce moment-là, il est un scientifique reconnu en Autriche et dans le monde ? À cette époque, Freud est un homme célèbre, connu dans le monde entier, en effet. Je crois que les attaques contre la psychanalyse n'ont jamais cessé. C'est même quelque chose de fascinant, quoi, parce qu'elles ne cessent pas. Voilà. S'arrêteront jamais. Pas plus d'ailleurs que contre Darwin ou Einstein. Mais en effet, c'est un homme malade qui a son cancer de la mâchoire et qui a surtout des disciples dans le monde entier. Donc à partir de 1933 jusqu'à l'Anschluss, c'est-à-dire jusqu'en 1938, il se passe 5 ans et pendant les deux premières années, c'est surtout les psychanalystes allemands qui sont obligés d'immigrer parce que la psychanalyse est décrétée science juive. Alors, au passage, l'histoire de Freud et d'Hitler, évidemment, doit être traitée parce que ça a été une grande métaphore d'écrivain, pas seulement chez Thomas Mann, mais tout le monde a comparé. Alors, peut-être qu'Hitler ne savait pas, mais en tout cas, le cousin de Maréchal Göring, oui, puisque c'est lui qui a imposé une nazification de la psychothérapie à Berlin. La psychanalyse est décrétée science juive. Du point de vue, disons, de la doctrine, la conception de l'homme de Freud est antagoniste, mais à un point complet. Avec... Il y a l'inconscient, mais l'homme a aussi une part de liberté. Non seulement il a une part de liberté, mais l'inconscient, selon Freud, c'est pas un inconscient des peuples. C'est pas une psychologie des peuples, et ça n'est pas un inconscient ancré dans un territoire. C'est un inconscient ancré dans rien, c'est-à-dire dans le langage. Il est donc vagabond, métis, sans territoire, il est l'intime de chaque personne. Et cette idée-là est absolument contradictoire avec d'ailleurs toute forme de pensée d'extrême droite qui mettrait l'hérédité et les racines au cœur de la détermination de l'homme. Il n'est pas biologique non plus, bon, donc il échappe. Voilà. Il est fait du rêve, il est fait du langage. Ça, c'est quelque chose qui est impensable chez les nazis puisqu'on est attaché à une origine raciale. En outre, Si vous voulez, la psychologie du nazisme est non seulement héréditariste, c'est-à-dire fondée sur l'idée qu'on est déterminé par une race, hein, mais elle est aussi fondée sur le pouvoir hypnotique du chef sur la victime. Il y a une composante qui est l'adoration du chef pour les foules. Or, Freud a contredit complètement cette théorie en montrant d'ailleurs que ce pouvoir du chef sur les foules était évidemment fondé sur des identifications. Donc, il avait en quelque sorte, même si ce que Freud avait écrit en 21 n'a rien à voir avec le nazisme, mais il avait donné en tous les cas la théorie de ce que peut être la pire des tyrannies. La pire des dictatures, sans viser particulièrement le nazisme. Alors l'histoire, je vais la raconter dans quelques minutes, à travers le regard d'Anna, Anna Freud. Quelle place occupe-t-elle dans la famille? Qui est cette jeune femme? Très importante, elle est la dernière fille de Freud, elle est née l'année de l'invention du mot psychanalyse, ce que Freud dira, et elle est la seule des enfants de Freud qui va devenir sa disciple. Mais Freud vit bien sûr à Vienne, dans son appartement Bergas, avec sa dernière fille, les autres étant mariés, voilà. Avec sa femme, Martha, avec sa belle-sœur Mina, il est entouré de femmes. En plus, il est malade, donc depuis 1923 quand même, il a ce cancer de la mâchoire qui va nécessiter plus de 30 opérations. Donc c'est un homme qui souffre dans son corps, et là il est très, très entouré par sa fille. Elle a un rôle très important, elle a dédié sa vie à la psychanalyse, à son père, enfin... C'est un petit peu caricatural. Elle est une vraie chef d'école. D'abord, elle écrit des livres. Et ensuite, elle est une des pionnières de la psychanalyse des enfants. Autant que Mélanie Klein, si vous voulez, autant que d'autres. Mais elle n'est pas une idolâtre de son père au point de ne pas exister, d'être ridicule. Elle n'est pas ridicule, Anna Freud. Et c'est la première qui exerce un métier aussi, la première dans cette filles. Famille. Oui. La première des femmes qui existent dans la famille Freud, oui. Et elle a une vie indépendamment de son père. Une vie personnelle. Ensuite, oui. Elle va. Donc c'est pas un personnage ridicule. Alors, si Freud est pour Hitler un vrai ennemi, il semble que Sigmund Freud, lui, n'ait peut-être pas pris la mesure de la menace que représentait l'antisémitisme nazi. Ça, nous le verrons tout à l'heure. Tout de suite, Anna Freud face au nazisme, un texte de Renaud Meyer, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Qu'allons-nous devenir? C'est étrange. Rien n'a changé en apparence. Tout est comme d'habitude. Les Viennois n'ont pas perdu leurs habitudes. Toujours au rythme de Mozart et des valses de Strauss. Cette femme qui mange sa Tsarertorte avec insouciance. Le gros monsieur en face d'elle, le nez dans son livre. De bons bourgeois viennois. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, on dresse des bûchers. À Berlin, sur la place de l'Opéra, on brûle les œuvres de Karl Marx, Thomas Mann, Einstein et Freud. La science juive qui remue les bas instincts de l'homme et désagrège l'esprit et la noblesse de l'âme humaine. Les Allemands ont perdu la tête. La science juive. Je n'ai plus la force de rien. Je devrais courir, mais je reste là dans ce café. Je ne sais pas quoi faire. Crier. Pleurer, demander de l'aide. Et papa, est-il au courant? Le pauvre, attaqué, piétiné, humilié. Lui faire ça à lui. Brûler des milliers d'heures de travail, de réflexion, d'amour de l'homme. Ils ont boycotté les magasins juifs, expulsé les juifs des universités, et maintenant, ils brûlent les livres. Et demain, s'il venait jusqu'ici, s'il prenait Vienne comme ils ont pris Berlin. Vienne, 11 mai 1933. Anna Freud quitte les arches monumentales du Café Central, situé dans un quartier cossu de la capitale autrichienne, pour rejoindre le 19 de la Bergasse. C'est là qu'elle habite et travaille avec sa mère Martha et son père, le célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Voilà 20 ans qu'Anna œuvre étroitement avec lui. À 38 ans, celle qui est restée dans le giron familial et ne s'est pas mariée, est membre du comité de la Société de psychanalyse. Son père souffrant d'un cancer de la mâchoire, c'est elle qui désormais le représente dans les grandes manifestations. En Allemagne, depuis janvier, Hitler est chancelier du Reich. L'état de droit a volé en éclats et l'antisémitisme est devenu une doctrine d'État. C'est dans cet élan que le 10 mai 1933, des hordes d'étudiants ont mené partout en Allemagne des autodafés de livres étrangers à l'esprit allemand. Mais l'ambition de Hitler ne se limite pas à l'Allemagne. Il rêve de conquérir l'Autriche et de fonder un puissant État germanique. Pour l'instant, la petite Autriche résiste. Le chancelier Dollfuss, qui a instauré en mars un régime autoritaire, barre la route au Parti national-socialiste. Mais la détermination des nazis à contaminer les esprits et à prendre le pouvoir ne faiblit pas. Oui. Papa, c'est moi. Je suis en séance. C'est très urgent. Ça ne peut pas attendre. Non. Revenez demain à la même heure, nous poursuivrons. Que voulez-vous ? 6 ans déjà, ma fille écoutait mes séances derrière la porte. Allez, à demain, nous reprendrons là où nous en étions. Au revoir. Au revoir. C'est pas très courtois de déranger ton père pendant une séance. Et ça, c'est courtois ? Les autres d'affaires en Allemagne, que veux-tu que j'y fasse ? C'est pour ça que tu as interrompu la séance de Mme Bluestein ? Une analyse didactique en plus. Remarque, elle déploie tellement de résistance qu'on est loin du compte pour faire d'elle une psychanalyste. Tu savais pour les autodafés ? Tu es la 4e personne à m'en parler aujourd'hui. Ils brûlent tes livres. Que de progrès ! Au Moyen-Âge, c'est moi qu'ils auraient brûlé. C'est tout l'effet que ça te fait. Nous sommes à Vienne, pas à Berlin. Ce qui est arrivé hier en Allemagne aura lieu demain en Autriche. Le nazisme s'étend comme une tache d'huile. Il n'y a aucun danger à Vienne, mon petit diable noir. Le régime hitlérien, à supposer qu'il arrive jusqu'à nous, n'aurait jamais la cruauté qu'il a en Allemagne. Ouvre les yeux, papa. 2 fois cette semaine qu'il coupe l'électricité. On ne peut plus circuler dans les rues sans passeport. Dollfuss a commencé à déporter des gens. Des opposants, des rebelles, des bolcheviks. Tu attends quelque chose du communisme, toi ? Il ne faut pas condamner Dollfuss. Il fait face à la crise, il a redressé les finances de notre pays. Il a fait de l'Autriche une dictature. On ne peut pas vivre non plus sous la dictature du prolétariat. La vie est calme ici. Des émeutes, des processions, mais rien de grave. Tu continues à exercer la psychanalyse, tu peux rêvasser au café comme avant. Et personne ne t'interdit quoi que ce soit parce que tu es juive. Le chancelier Dollfuss appliquera bientôt à Vienne les mêmes lois qu'Hitler a imposées en Allemagne. Les lois spéciales contre les juifs sont impossibles en Autriche. La France et ses alliés ne permettront jamais que l'on opprime les minorités. Et puis, il y a Mussolini. C'est notre meilleur allié contre les ambitions d'Hitler. Mussolini va laisser les mains libres à Hitler. C'est une question de mois, peut-être même de jours. Nous n'aurons bientôt plus aucune protection de l'étranger. Et ça ne sert à rien de faire des reproches au destin. En Allemagne, la société de psychanalyse passe sous le contrôle du médecin nazi Matthias Göring, qui en exclut tous les membres juifs. En Autriche, le nazisme se rapproche, mais Dollfuss résiste encore. Le 20 juin 1933, il dissout le parti nazi autrichien. Désormais seul au pouvoir, il supprime les élections et réprime les insurrections ouvrières qui font près de 2000 morts. Détesté de tous, Dollfuss est finalement assassiné par un groupe de SS le 25 juillet 1934. Kurt Schuschnigg, partisan d'un rapprochement avec l'Allemagne, lui succède. Freud prend conscience que l'étau se resserre et que l'engagement de l'Autriche vers le national-socialisme est inévitable. Mais il sait aussi que son départ sonnerait le glas de la psychanalyse viennoise telle qu'il l'a créée. Retranché dans son bureau, Freud continue d'écrire et de recevoir ses patients. L'antre du créateur de la psychanalyse est un temple où s'amoncellent des trésors, des statuettes antiques, égyptiennes ou grecques, des reliques orientales et bien sûr le divan du maître, objet sacré entre tous. Mais ce sanctuaire échappera-t-il à la barbarie ? Printemps 1936. Ah, Anna. Anna, en septembre prochain, nous fêterons avec ta mère nos noces d'or. J'aimerais que tu t'en occupes. Ah oui ? Que tu organises quelque chose de simple, de familial, avec tes frères et sœurs. Ceux qui peuvent être présents. Oui, papa, bien entendu. Si Oliver faisait le voyage depuis Londres, ce serait plaisant. Mais des noces d'or à Londres, tu ne crois pas que ce serait mieux ? Pourquoi Londres ? C'est ici que nous avons fondé notre famille, ta mère et moi, pas là-bas. J'ai peur que ce soit notre dernière réunion de famille si nous l'organisons à Vienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut partir, papa. Quitter Vienne. Quitter Vienne? Tu n'y songes pas. Dans mon état. Je suis un vieil homme. Je suis fatigué. Et puis, il y a mon traitement. Tu me vois voyager avec ce monstre dans la bouche, cette prothèse qu'il faut ajuster tous les jours. Il y a de grands spécialistes à Londres. Mais que veux-tu que j'aille faire là-bas? Ma prothèse ne parle pas anglais. De toute façon, ils ne m'accorderont jamais de permis de séjour. Le plus grand savant de ce siècle, il ne t'accueillerait pas? Je ne bougerai pas d'ici. Je déteste les misères de l'exil. Assez de changements, assez de pertes. Et puis, je ne leur laisserai pas détruire la psychanalyse. Ma vie n'a de sens que dans son rapport à la psychanalyse. C'est en quittant Vienne que tu sauveras la psychanalyse. Un soldat qui abandonne son poste est un déserteur. On ne quitte pas la scène comme ça. Ta clientèle est en chute libre. J'ai assez d'étudiants étrangers pour subvenir aux besoins de la famille. Ils payent en dollars, eux. Mais tous les analystes allemands ont émigré aux États-Unis ou en Palestine, tous. Mes frères aussi ont quitté l'Allemagne. Parce que les nazis détestent les juifs, autant que la psychanalyse. Pourquoi tu ne veux pas partir, bon sang? Pourquoi? Tu ne vois pas qu'ils sont aux portes de l'Autriche? Encore ta peur du nazisme. Ils nous serrent la gorge, mais ils ne nous étranglent pas. Pour les nazis, tu n'es plus viennois, papa. Tu es juif, c'est tout. Ici ou ailleurs, elle est éternelle, la haine des juifs. Et moi? Tu as pensé à moi? À maman? Je ne cesse de penser à vous. Et à tous les analystes, comme s'ils étaient mes propres enfants. Carl Jung, ton ancien disciple, est devenu président de la Société allemande de psychanalyse. Il distingue désormais l'inconscient juif de l'inconscient arien et qualifie le second de supérieur. Intéressant, non? Je ne suis pas responsable de la folie qui s'empare de mes disciples. Rank et Ferenczi ont été emportés par leur névrose. Même chose pour Jung. C'est regrettable. Sauf que la névrose nazie se propage. Notre fuite serait justifiée si notre vie était menacée, mais ce n'est pas le cas. Je suis trop vieux. Je n'arriverai même pas à monter dans un train. Je suis malade, Anna, très malade. J'ai subi plus de 30 interventions. J'ai du mal à manger, à boire. J'écris en tenant cette bouillotte contre ma joue. Quant à mon cœur, la moindre excitation le fait battre de façon angoissante. Alors tes histoires de nazis aux portes de Vienne, ça n'arrange pas les choses. Ce ne sont pas les nazis qui te donnent des palpitations, c'est la nicotine. Arrête avec les cigares, ce sont eux les responsables. Tu as de la chance. Ne pas fumer ne te prive pas. Tu sais que j'ai raison, mais tu refuses de regarder la réalité en face. 1937 sera le commencement de la fin. Si tu veux sauver notre famille et la psychanalyse, il faut partir avant qu'il ne soit trop tard. Tu es angoissée, ma petite fille. Tu as toujours manqué de confiance. Et cette mauvaise estime de toi est amplifiée par les événements. La maladie t'égare. Le 12 mars 1938, Hitler, avec le concours du chancelier Schuschnigg, arrive à ses fins. L'Allemagne annexe l'Autriche. C'est l'Anschluss. Sans affronter aucune résistance, les tanks envahissent les rues de Vienne où l'on crie « Heil Hitler ». Freud note dans son carnet « Fini l'Autriche ». La chasse aux Juifs peut débuter. Des hordes de voyous portant des brassards ornés de croix gammées laissent éclater leur haine. Ils pillent les appartements juifs, humilient les religieuses orthodoxes et persécutent les commerçants. La foule applaudit, les chemises brunes exultent et l'église catholique demeure muette. Ce qu'en Allemagne, les nazis avaient mis 5 ans à mettre en place, en Autriche, ils y parviennent en quelques jours. Ils s'emparent de l'industrie et des banques, dont le Credit Anstalt, propriété des Rothschild. Ces vastes opérations d'arianisation de l'économie s'accompagnent d'actes barbares, de blocages de fonds et d'humiliations. Il s'agit d'isoler les Juifs, de les appauvrir, avant de les envoyer dans des camps. 15 mars 1938. Ça y est, je suis à la maison. Enfin. Il faut que je me calme. Mes jambes, je me sens partir. Mes mains qui tremblent. J'ai cru qu'ils allaient m'attraper, moi aussi. Cette pauvre femme à genoux en train de nettoyer le trottoir avec une brosse à dents. Les bons Autrichiens s'en donnent à cœur joie. Leur fureur est arrivée à Vienne. Ça les rend hystériques. Les nazis ont réussi. Ils nous ont séparés. Les Autrichiens d'un côté, les Juifs de l'autre. C'est fini, nous ne sommes plus Viennois. Ils ont brisé le lien qui nous unissait. Je savais qu'il fallait partir, je l'ai dit 100 fois. Mais personne n'a daigné m'écouter. Papa n'a rien voulu entendre. Anna, toujours dans son ombre, jamais droit à la parole. La petite dernière qui a le sourire quoi qu'il arrive, sans reproche, sans tâche, sans mari. Et maintenant, il est trop tard. Sûrement trop tard. Maman ? Papa est à la maison ? Il faut que je lui parle. Je peux pas savoir ce qu'ils font dans la rue. Sous nos fenêtres. Les nazis, je les déteste. Notre fille, Anna, elle habite avec nous. Elle travaille également avec son père. Mademoiselle. Ça y est, ils sont là, dans notre salle à manger. La vermine nazie a posé ses bottes sur le tapis. Ça devait arriver. Il en a bien la tête, le cheveu court, l'œil bleu, la mâchoire serrée. Une caricature de leur perfection arienne. Papa n'est pas là ? Occupé, pour le moment. Jeune homme, ne restez pas debout. Oui, vous ! Les bêtes ? Prenez une chaise. Madame, une sentinelle doit rester vigilante, pas assise devant une porte. Oui, mais je déteste voir quelqu'un debout dans ma maison. Elle ne veut pas non plus lui offrir un schnapps ? Vous désirez boire quelque chose, capitaine ? Je rêve. Elle prend ses SA pour nous inviter ? Merci, chère madame. Jamais pendant les contrôles. Où est papa, bon sang ? Qu'est-ce que vous cherchez chez nous ? Il y a toujours des documents compromettants chez les Juifs. Des révélations cachées quelque part. Le testament de papa. Il ne faut pas qu'il fouille son bureau. Et vous avez trouvé des choses intéressantes ? Nous avons examiné les archives de votre Verlag. Une maison d'édition, c'est ça ? Nous vendons la majorité de nos ouvrages en Allemagne. Votre frère Jean-Martin nous racontera tout ça. Vous avez rencontré mon frère ? Il est à la Gestapo. Simple routine. Mon frère à la Gestapo. Si papa m'avait écouté, on serait loin. Allez-y, messieurs, servez-vous. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Mais chère madame, tout cet argent, nous ne sommes pas des pillards. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez besoin. Les gens qui entrent dans ma maison sont mes invités et je reçois toujours mes invités du mieux que je peux. On n'a pas le choix, maman a raison. C'est la seule façon de les faire déguerpir. Leur donner de l'argent, tout ce que nous avons, comme ça ils cesseront de fouiner partout. S'ils mettent la main sur le testament de papa, on est foutus, ils vont découvrir qu'il a des fonds à l'étranger. Où est papa ? Dans son bureau. Ils ont arrêté Martin ? Oui. L'argent du coffre. Peut-être qu'avec ça, ils vont foutre le camp et relâcher Martin. Capitaine ? Nous avons également de l'argent dans notre coffre. Est-ce bien nécessaire ? Oui. Vous ne serez pas venu pour rien. Tenez, il y a 6000 shillings. Pour vous, pour vos hommes, pour le national-socialisme, pour... Que tu crèves, ordure. C'est... Notre manière de saluer l'arrivée d'Hitler à Vienne. Oui, c'est un grand jour. Et le dernier, j'espère, que je passerai sur le sol autrichien. Demain, nous serons loin, je le jure. Récupérer Martin, faire les valises, et adieu. Ces messieurs ont terminé leur travail ? Nous allons vous laisser. Je vois que la pêche a été bonne. C'est moi qui ai donné ce que nous avions à ces messieurs. Tu as bien fait, Martin. Quelle somme ! Je n'ai jamais gagné autant pour une consultation. Cela aidera le national-socialisme. Quand le diable est lâché, il va jusqu'au bout. Je me suis toujours considéré comme de culture allemande. Ma langue est allemande, mais maintenant je crois que je me sens juif. D'abord juif. Et en tant que juif, je suis prêt à passer dans l'opposition et à renoncer à m'entendre avec la majorité consentante. Vous avez raison. Il faut être fier de ce qu'on est. Juif. Nous reviendrons plus tard. Raus maintenant. Yeah. Vous serez les bienvenus. Plutôt crevé. Jean-Martin Freud est relâché le soir même. Mais les nazis ne desserrent pas les taux sur les juifs en général et sur la famille Freud en particulier. Quelques jours plus tard, une nouvelle perquisition est menée au 19 de la Bergasse. La Gestapo inspecte minutieusement chaque pièce à la recherche de documents anti-nazis. Cette nouvelle visite se révélant infructueuse, Anna est convoquée à son tour à l'hôtel Métropole. C'est dans cet immeuble imposant de 4 étages, situé sur la Mordsienplatz, que la Gestapo a établi son quartier général. près de 1000 hommes s'activent dans cet ancien palace, devenu le plus grand bureau de la Gestapo après celui de Berlin. Craignant d'être torturée, Anna demande au docteur Schur, médecin particulier de Freud, de lui fournir du Véronal, au cas où la mort serait préférable à la douleur. Elle connaît parfaitement le sort des Juifs interrogés ici. Ils sont jetés en prison ou déportés au camp de concentration de Dachau. 22 mars 1938. Personne. Personne. 2 heures que j'attends dans ce maudit couloir. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Je m'appelle Anna Freud, s'il vous plaît. On m'a oubliée. Qu'est-ce qu'ils font, bon sang? S'ils ne m'interrogent pas, je suis foutue. Ils vont finir par fermer leur bureau et je vais me retrouver dehors avec les prisonniers. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Ils ne prennent plus de gants, ils ne s'embarrassent pas de savoir qui on est, pourquoi on est là. Tous dans un camion, direction les camps. Je ne mourrai pas comme un agneau, je le jure. Excusez-moi, je suis Anna Freud. On m'a convoquée pour m'interroger, je suis là depuis 2 heures. Mademoiselle Freud, quel tempérament. Je ne vous oublie pas. Veuillez entrer. Asseyez-vous, je vous en prie. On se retrouve? Notre contribution financière au national-socialisme ne vous a pas suffi? L'argent ne fait pas tout. Vous ignorez cela, vous, les Juifs. Les Juifs ne sont pas intéressés par l'argent. La preuve, ils s'en délestent facilement. C'est qu'ils en ont ailleurs. Si un Juif vous donne 1000, c'est qu'il a 1 million caché quelque part. Et ce million appartient très certainement au peuple allemand. Quel Juif pourrait avoir gagné de l'argent honnêtement? Le vol ne fait pas partie de mes principes. Et votre père? Il est incorruptible. Pourtant, il est juif. Très juif, même. Il le revendique. Mon père n'adhère pas plus au judaïsme qu'à aucune autre religion. Je ne suis jamais entrée dans une synagogue, et mon père non plus. Nous fêtons Noël avec un sapin et des bougies, et Pâques avec des œufs peints de toutes les couleurs. Mon père est athée. C'est un athée qui devient juif quand le national-socialisme lui fait face. Votre père est un juif politique. Ce sont les pires. Vous travaillez avec votre père dans cette association internationale de psychanalyse? Je suis membre du comité. Un comité politique? Scientifique. Un comité où il est question d'inconscient, de libido, de deep. Concept psychanalytique. Vocabulaire interdit par le Führer. Notre science... Votre science juive dégrade l'âme humaine et l'idéal du national-socialisme. Votre comité propage l'idée que le sexe est partout, dans nos pensées, dans nos gestes et même dans la tête des enfants. Les Juifs ont inventé la science de la dégénérescence. Voilà pourquoi nous avons brûlé vos livres. Ils veulent notre peau, la peau de tous les Juifs. Nous allons disparaître et la psychanalyse avec. Je n'irai pas crever dans un camp, je vais prendre le Véronal. Notre comité n'a aucune ambition politique. J'ai lu que votre psychanalyse ne soignait pas les malades. Curieux. Ça n'est pas son but. Elle cherche donc à les embrigader, à en faire des psychanalystes eux aussi. Avouez. Pas la torture. Le suicide, mais pas la torture. Le Véronal est dans ma main. S'il me frappe, je l'avale. Beaucoup de Juifs, membres de votre association internationale, ont fui l'Allemagne et maintenant l'Autriche. Tous réfugiés à l'étranger. Vous ne trouvez pas cela très politique, Mademoiselle Freud? Ils ont très vite compris que vous aimiez autant les Juifs que la psychanalyse. Votre père a des relations. Il a beaucoup de chance. Et vous aussi. Durant cette longue journée, Sigmund Freud subit le martyre. Il fait les 100 pas dans son bureau, fume le cigare plus que de raison, mêlant l'inquiétude à la culpabilité. À 7 heures du soir, Anna Freud quitte la Gestapo. Elle a réussi à déjouer les pièges de son interrogatoire et n'a pas eu recours au Véronal. Mais elle sait qu'il ne s'agit que d'un répit. Il faut fuir Vienne au plus vite. En quelques semaines, les purges ont éliminé les Juifs des professions de juges, de fonctionnaires, d'industriels et de banquiers. Le monde de la culture, du journalisme et des affaires est devenu à rien, sans la moindre résistance. Anna. Mon enfant, ma petite fille. Pardon. Pardon. Tout ça est ma faute. J'aurais dû t'écouter. Je suis vivante, papa. C'est ce qui compte. J'ai eu tellement peur. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te l'ai jamais dit, mais il faut que tu le saches. T'es la plus douce et la plus douée de tous mes enfants. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es merveilleuse. Tu comprends tout, tu prends plaisir à tout. Ton caractère est noble. Je n'ai pas besoin de tout ça. Nous allons partir, quitter Vienne, pour toujours. Oh, merci, papa, merci. Je savais que tu finirais par m'écouter. Nous irons à Londres et tu deviendras une grande psychanalyste. Tu es l'avenir de notre science. Je fais de mon mieux. Ma petite fille, mon Antigone, tu as sacrifié ta vie pour moi et la psychanalyse. J'en suis heureuse, rien ne manque à ma vie. Il aurait peut-être fallu un homme. Un autre homme entre nous. Tu es trop jaloux, trop exclusif. Depuis toujours. D'abord avec maman, maintenant avec moi. J'ai compris que jamais tu ne me laisserais me marier. Je me suis fait une raison. Tu as tout réussi. Mais il aurait fallu un mari. Ernest Jones. Ernest était amoureux de moi. Et je le trouvais séduisant, intelligent, intéressant. Mais tu as tout fait pour rendre les choses insupportables quand j'étais à Londres avec lui. Dans tes remarques, tes conseils, jusque dans tes lettres à Jones. Le monde se serait écroulé si je lui étais tombée dans les bras. Il est trop tard, je le sais. Tant pis. Ne m'en veux pas. Je t'en supplie. Si tu savais comme je pense à toi à chaque instant de la journée. Et la nuit, tu fais encore ce rêve où je suis un roi et toi une princesse? Souvent. On veut nous séparer par la force. C'est terrifiant. Tu n'auras plus à avoir peur. Je vais faire le nécessaire pour quitter Vienne dès que possible. À travers le monde, on se mobilise pour sauver l'inventeur de la psychanalyse et sa famille. William Bullitt, l'ambassadeur des États-Unis en France, avec lequel Freud a écrit un livre sur le président Wilson, remue ciel et terre. La réputation du savant, en effet, est immense. Roosevelt intervient en personne auprès de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui est averti du scandale diplomatique que causerait la disparition de Sigmund Freud. Dès le 16 mars 1938, les secours sont arrivés de l'étranger. D'abord, son disciple et ami, Ernest Jones. D'origine britannique, Jones a été formé par Freud. À 59 ans, c'est un des derniers fidèles restés avec le maître, un intime de la famille, très lié à Anna. Arrive aussi à Vienne la princesse Marie Bonaparte, arrière-petite-nièce de Napoléon. Riche héritière et pionnière de la psychanalyse en France, elle a fait son analyse avec Freud. À Vienne, elle paye tout ce que les nazis réclament à Freud pour le laisser quitter l'Autriche. Pourtant, la Gestapo fait monter les enchères de la « taxe de fuite » nécessaire à son émigration et confisque les biens de sa maison d'édition. La délivrance du certificat d'innocuité, qui doit autoriser Freud et 16 personnes de son choix à partir, reste incertaine. Qu'est-ce que vous faites, Marie, toujours avec votre caméra? J'immortalise les derniers instants de Sigmund Freud à son domicile de la Bergasse, avant son départ pour Londres. Qui cela intéresse-t-il? Mais le monde entier. Freud a son bureau entouré de ses livres et de ses antiquités égyptiennes. Notre génie parmi ses statuettes fétiches, accompagné de Topsy, son chouchou préféré. Les génies sont des gens insupportables. Anna vous dira combien je suis facile à vivre, je ne suis donc pas un génie. On dirait que ça ne vous plaît pas de recouvrer la liberté. Mourir en liberté me plaira beaucoup, mais quitter ma terre natale me provoque la nausée. Et puis nous ne sommes pas encore partis. Quand j'aurai ce maudit certificat entre les mains, je marquerai peut-être un sourire. Croyez-moi, dans quelques jours vous serez à Paris, chez moi, tranquillement installé sur un sofa. Et tout le monde ne peut pas être un démon d'optimisme comme vous, Marie. Quand je verrai Jones franchir cette porte avec les papiers, je serai rassuré. Il y a trop à ranger, papa, trop à trier. Je ne veux rien laisser à ces bêtes immondes. Brûle ce qui te semble sans intérêt. Mais tout a de l'intérêt. Chaque chose doit être étiquetée, conservée, préservée. Vos manuscrits, vos lettres. Vous avez sauvé le Verlag, ça ne vous suffit pas? Une maison d'édition. Je n'ai fait que verser la rançon exigée par l'officier de la Gestapo. Mais votre correspondance, ça n'a pas de prix. Vos lettres de Charcot. Je ne les ai plus. Quoi? Je ne crois pas. À la corbeille, au feu, je ne sais pas. Pourquoi ne pas me les avoir données? Trop tard. Et vos manuscrits? Je ne sais même plus où est passé celui de l'interprétation des rêves. Mais c'est criminel. Ernest. Ah, Jones. Chers amis, voici vos papiers. Vous êtes libres. Mon Dieu, Ernest, merci. Tu es merveilleux. Merci, Marie. Vous êtes nos sauveurs. Nous y sommes arrivés. Il a presque fallu que je lui arrache le certificat. Quelle équipe ! N'oublions pas Bulit. Et Anna, elle a passé des semaines chez l'avocat et à l'ambassade américaine. Toujours debout, vaillante, pleine d'énergie. J'aime ça. Ah, une dernière formalité, Zygmunt. Vous devez rédiger une déclaration attestant que vous n'avez pas été maltraité par la Gestapo. Ou je peux même la recommander à tous s'ils nous laissent partir. Voici la liste des personnes qui sont autorisées à vous accompagner à Londres. Le docteur Schur, Mina, Dorothy, Martin, Mathilde, Topsy. Il n'y a pas tante Adolphine, tante Rosa. Qui a établi cette liste? Ton père. C'est toi? Oui. Tes sœurs, elles ne sont pas sur la liste? Elles ne partent pas avec nous? Elles ne craignent rien. Je leur laisse 60 000 shillings. De quoi voir venir. Mais tu ne peux pas, on ne va pas les abandonner. Martin et sa fille pourront partir le premier avec Mina. Vous les rejoindrez le 3 juin. Le 3, c'est pas un bon chiffre. Partons le 4. Il faut un chiffre rond. Ça nous porterait malheur. Vous voyagerez par l'Orient Express, Munich, Strasbourg, Paris. Escale d'une journée chez Marie, puis direction Victoria Station. Prévoyez une arrivée par un quai à l'écart. Quelque chose de discret. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les nazis auront vite fait de leur confisquer les 60 000 shillings de papa. Les pauvres. On ne les reverra jamais. Le 4 juin 1938, Sigmund Freud quitte Vienne, accompagné de sa femme Martha, de sa fille Anna, d'une domestique et du docteur Strauss, une jeune pédiatre amie d'Anna, qui remplace le docteur Schur, opéré de l'appendicite. Tous montent dans les wagons de l'Orient Express. Mais la quiétude bourgeoise de ce départ masque la crainte de la famille Freud de ne jamais franchir la frontière française. Au dehors, en effet, la tension est extrême. La nuit de cristal, qui marquera le début des déportations de masse, se prépare. Nul n'est à l'abri d'un contrôle qui ferait descendre tous les occupants du train, séparer les Juifs des autres et transformer le voyage en cauchemar. Ça va, Zygmunt? Vous serez rassuré quand nous arriverons à Kiel. Devrions passer la frontière dans la nuit. Le seul à ne pas être inquiet, c'est Topsy. Mais il est comme ton père, un peu triste. Notre départ, c'est un peu le triomphe de la liberté, mais c'est aussi celui de la tristesse. Tu n'es pas heureux de quitter cette prison? C'est 78 ans que je suis viennois. Ce monde bientôt n'existera plus. Tout était possible à Vienne parce que les gens venaient de nulle part et qu'ils y étaient quelqu'un. Maintenant, ils ne sont plus personne. Ils seront heureux à Londres. Les gens t'attendent là-bas avec impatience. Ah, la célébrité m'agace. C'est comme le Nobel. Qui peut désirer cela? Et puis cette satanée langue anglaise que je ne maîtrise pas. Tu seras libre en Angleterre. Nous sommes peut-être tirés d'affaire, mais je ne sais pas si la psychanalyse nous survivra. Pauvre petit papa. Il abandonne tout. Il voit s'éloigner sa vie. Ce chagrin dans ses yeux. Quelle souffrance. Aussi grande que pour la perte de son petit-fils. Ces milliers d'heures à écouter ses patients. Leur vie, leurs angoisses, leurs rêves, leurs complexes. Et puis Dora, le petit Hans, et son cercle, ses disciples, Rank, Ferenczi, Abraham. L'odeur du cigare dans son bureau. Cette science qu'il a édifiée, et ses petites habitudes au café lentement. Tout cela est déjà loin. Et demain, qu'est-ce qui nous attend ? Durch den Wald. Anna Freud face au nazisme de Renaud Meyer avec Georges Claes, Sigmund Freud, Pauline Moulaine, Anna Freud, Francine Berger, Martha Freud, Philippe Weissert, l'officier, Mauricette Gourdon, Marie Bonaparte, Laurent Claret, Ernest Jones et les voix de Xavier Bazin, Johannes Hamm et David Mandino. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Pierre Henry, assistante à la réalisation, Léa Racine, réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Freud face au nazisme avec mon invité Elisabeth Roudinesco. I've ever seen those concentrating dilated pupils turn green when he looks upon me in my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Stick around, baby, don't leave too soon. 'Cause you can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. Even worse to keep my head when they said she. William Z. Villain, Anybody Gonna Move, sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique, Pierre-Yves Devrolin. Elisabeth Roudinesco, on l'a entendu, il s'en est fallu de peu que Freud et sa famille subissent le même sort que des millions de Juifs qui vont être internés puis exterminés dans les camps nazis. C'était un peu in extremis leur départ en 1938. Ce qu'on peut appeler in extremis, c'est que Freud ne voulait pas partir de Vienne. Il était malade, il voulait pas, il pensait que c'était son tombeau. Bon. Et c'est l'entourage de Freud, c'est-à-dire Ernest Jones, Anna Freud bien sûr, avec Marie Bonaparte, qui l'ont poussé à partir vraiment, donc avec toute sa famille, mais surtout, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, on n'emmène pas Freud tout seul. On emmène avec Freud la culture psychanalytique viennoise. Parce que là, à ce moment-là, ils ont tous conscience qu'elle va disparaître. Oui, c'est la fin d'un monde. Hein. C'est la fin d'un monde. On pense tout de suite à Stefan Zweig, le monde d'hier. Il y a quelque chose qui se termine. Comme il faut sauvegarder quelque chose, une trace. Une mémoire. Ils sont en train de chercher les archives, faire le tri entre les lettres. Enfin, il faut tout se dépêcher. Ce sont des très beaux moments. Cette idée qu'on emmène avec soi toute l'histoire d'un mouvement. Et en effet, ils ont eu raison. Et même les photos magnifiques d'Engelmann qui vient alors que la maison a déjà une croix gammée, déjà nazifiée. Il faut dire qu'à cette époque, tout le monde avait immigré depuis l'Allemagne. Il n'y avait plus de juifs du tout, c'était Judenrein. Et tous ceux qui vont rester en Europe centrale, parmi les psychanalystes, vont tous être exterminés. Voilà. Alors, à partir de l'Anschluss, tout le monde s'en va. Reste alors Freud et sa famille. Et là, il faut une intervention internationale. Et donc Roosevelt, par le biais de l'ambassadeur William Bullitt, on mobilise toute l'opinion publique. Mais il va falloir payer des rançons. Vous savez, il y avait pour partir, chaque juif devait payer une véritable rançon à l'État. Alors Freud vend une partie de ses livres, etc. Et puis finalement, c'est Marie Bonaparte qui va verser la rançon finale que Freud voudra absolument rembourser ensuite. Donc il faut faire ça. Alors, l'idée, c'est d'envoyer... C'est d'aller en Angleterre. D'aller en Angleterre. D'abord, il y avait déjà sa famille qui était là-bas. Freud était très anglophile. Mais le problème, c'est combien de personnes on peut faire partir. Or, il n'y a pas de visa pour tout le monde, parce que l'Angleterre n'en accorde un qu'à ceux qui peuvent travailler, qui sont en péril immédiat. Alors, c'est le cas de tous les psychanalystes et de toute la famille Freud, puisque la Gestapo a débarqué chez Freud, que le fils de Freud, Martin, dirige les éditions. Donc, si vous voulez, ceux-là obtiennent des visas. C'est beaucoup plus difficile pour les sœurs. Et la question... Oui, parce qu'il y a eu cette suspicion qui a pesé sur Freud. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas jugé utile de les emmener ou est-ce qu'il n'a pas pu les emmener? La question, c'est pas comme ça. Voilà. On n'a pas de visa. Et c'est-à-dire qu'il y a deux barrières, c'est la barrière de la Gestapo et ensuite la barrière en Angleterre pour pouvoir entrer en Grande-Bretagne, pour avoir un visa. En Grande-Bretagne, et donc ceux qui sont visés les premiers, c'est tous ceux qui sont liés directement à cette science juive. Bien. Mais les quatre sœurs de Freud, elles ne sont pas liées sinon par des liens de famille, et on n'imagine pas, alors là il y a ça, mais personne ne l'a imaginé en 1938, que les nazis allaient déporter immédiatement des vieilles personnes voilà, qui n'ont plus rien. Et donc, l'idée, naturellement, de la famille, c'est de les faire venir après. Après. Donc, on laisse une somme importante pour qu'elles puissent vivre, avec l'idée de les faire venir après. Puis alors après, c'est 39, bon, c'est la guerre, l'Angleterre entre en guerre, donc ça va aller très vite. Quel sera le sort des sœurs de Freud? Les quatre vont être exterminées dans les camps d'extermination. Mais c'est le sort de tous les juifs autrichiens qui sont restés, une partie de la famille Wittgenstein. Donc, si vous voulez, osez dire que c'est la faute des juifs si les leurs ont été exterminés parce qu'ils n'ont pas pu les emmener, ça revient, à mon avis, à dire que le génocide et la Shoah, c'est les juifs qui en sont responsables. Ça a été une grande thèse négationniste. Ils auraient dû aider leur semblable. Si c'était le cas, les autres ne les aident pas. Il n'y aurait pas eu de solution finale. Donc, si vous voulez, il faut faire très attention de savoir où sont les bourreaux et les victimes, quand même. Donc, Freud et sa famille sont accueillis d'abord à Paris, chez Marie Bonaparte, puis à Londres, où Freud va habiter jusqu'à sa mort l'année suivante, le 23 septembre 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Il avait 83 ans. Cette année de vie à Londres, en exil, comment ça a été pour lui? Sentiment de liberté. Sentiment de liberté. Une intégration rapide de ses enfants. Tout le monde est absolument anglophone depuis longtemps. Mais il y a une certaine dichotomie. Quand Freud arrive, je donne beaucoup de détails. C'est vrai que la famille ont des habitudes viennoises d'anciens de l'Empire austro-hongrois, de recevoir à telle heure, de servir le thé comme ceci, comme cela, les gâteaux. Et donc, en effet, les psychanalystes anglais, beaucoup plus modernes, déjà intégrés, c'est une des grandes puissances psychanalytiques grâce à Ernest Jones, voit arriver, au fond, une famille de l'Empire des Habsbourg. C'est l'Empire des Habsbourg qui n'existe plus depuis 1918. Mais voilà. Et puis c'est Freud C'est le vieux père fondateur. Donc, bien sûr qu'il est très bien accueilli. Enfin, il est en sécurité. Et il va pouvoir écrire son dernier livre, Moïse et le monothéisme. Je vous propose d'écouter la voix de Sigmund Freud. C'est le seul témoignage de sa voix. Donc, c'est un enregistrement qui a été réalisé à Londres. Sigmund Freud va mourir quelques mois plus tard. J'ai commencé mon activité professionnelle en essayant d'apporter du soulagement à mes patients névrosés. J'ai découvert des faits importants à propos de l'inconscient. Personne n'a cru dans ces faits. Et on a pensé que mes théories étaient répugnantes. À la fin, j'ai réussi, mais le combat n'est pas encore terminé. Mon nom est Sigmund Freud. Que ressentez-vous, Elisabeth Roudinesco, en entendant cette voix? Vous l'avez dû l'entendre souvent. Des dizaines de fois. C'est évidemment la seule archive sonore, donc ça, c'est très émouvant. Et c'est surtout, il a beaucoup de mal à parler, là. Une mâchoire artificielle. Il parle un anglais excellent, avec un accent, évidemment, allemand. Il rappelle toujours, il leur a toujours dit, que le combat n'est pas terminé. Et dans la dernière correspondance avec Jones, qui est aussi très touchante, Jones dit dans la dernière guerre, nos deux pays, la guerre de 14, nos deux pays étaient opposés. Ils n'étaient pas dans le même camp. Hein. Et il dit, pour cette guerre-là, nous sommes enfin réunis ensemble. Voilà, à Londres, qui est à cette époque-là, quand Freud arrive, le seul pays d'Europe qui résiste aux nazis. Qui va résister, ouais. Donc, si vous voulez... Pour Freud, le peuple anglais est héroïque. Il a toujours aimé le peuple anglais. N'oubliez pas que Shakespeare, pour lui, c'est aussi important que les tragédies grecques. Et Freud, les dynasties royales, il adore ça. Donc, une monarchie constitutionnelle avec une démocratie, c'est le régime idéal pour Freud. Et en quelques mots, que va devenir Anna Freud? Elle va faire survivre. Une immense carrière de psychanalyste, chef d'école, opposé dans la société psychanalytique anglaise aux théories de Mélanie Klein. Il est évident que Mélanie Klein, depuis 1924, un génie que n'a pas du tout Anna Freud. Elle est géniale, Mélanie Klein, elle invente littéralement la psychanalyse d'enfants telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les enfants en bas âge. Si vos enfants font de la pâte à modeler, de ça vient de Mélanie Klein. Mais attention, Anna Freud, aujourd'hui on a hérité des deux. Anna Freud, c'est celle qui considère qu'il faut soigner l'enfant dans la relation avec les parents. C'est elle qui s'occupe de nurserie. Pendant toute la guerre, elle s'occupe des enfants traumatisés par la guerre. Et puis, elle va écrire, à mon avis, un livre absolument passionnant où elle va prendre en analyse des enfants devenus adolescents qui ont été déportés dans les camps d'extermination et qui sont les survivants. C'est un livre poignant. Donc, si vous voulez, la carrière d'Anna Freud, il ne faut jamais la caricaturer, elle va être très importante. Merci beaucoup, Elisabeth Roudinesco. Votre biographie Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre a été publiée en 2014 au Seuil. Elle est déjà traduite en 5 langues et est disponible depuis peu de temps en poche, en collection. Autant n'importe l'histoire est terminée, l'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter par exemple La naissance du canard enchaîné ou encore Édouard Buguet, le photographe des fantômes. La semaine prochaine, dimanche 1er janvier, je vous raconterai une belle histoire d'amour et d'engagement artistique, celle de Robert Capa et de Gerda Taro, deux photoreporters qui ensemble couvrirent la guerre d'Espagne en 1936. Capa et Taro, une passion photographique, c'est dimanche prochain donc. Mais juste après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.